était là le jour venu à la présentation du corps. Toi, tu l'avais reconnu. Et maintenant, il était mort. Tu te souviens avoir pleuré.